La petite différence. Un roi d'Orient eut un rêve troublant. Il rêva qu'il avait perdu toutes ses dents, l'une après l'autre. Inquiet, il appela une personne qui s'y connaissait en interprétation de rêve et lui demanda d'analyser son rêve. « Je suis désolé de devoir vous dire, dit cet homme au roi, que vous allez, de même que vos dents, perdre tous les membres de votre famille l'un après l'autre. » Cette nouvelle mit le roi en colère. Alors il jeta en prison cet homme qui ne pouvait pas lui donner de meilleures nouvelles. Puis, le roi demanda à une autre personne d'interpréter son rêve. L'homme écouta attentivement le rêve et dit « Je suis ravi de partager avec vous une bonne nouvelle. Vous allez devenir plus âgé que chacun des membres de votre famille et vous allez leur survivre à tous. » Le roi en fut très content et le récompensa pleinement pour ses paroles. Les courtisans, tout étonnés, dirent à l'homme « Au fond, tu n'as rien dit d'autre que ton prédécesseur. Comment se fait-il que lui a été puni et toi récompensé ?»« Eh bien, nous avons tous les deux entendu le même rêve. Mais s'il est important de savoir ce qu'on dit, il l'est tout autant de savoir comment on le dit. » Thank you.